Faudrait peut-être la faire danser. Fonce et arrête de penser. Fais voir comment tu danses. Si tu savais à quoi je pense. J't'aime bien, ça va de soi. Ah, ah, faut que je rentre avec toi. Allez vite, rejoins-moi. Le carré vite, wow. Elle hésite, mais y'a les types. Qu'elle est vite, wow. Tu sais bien que moi, c'est pas la même. Non, ton caramel, je veux brun, faut que je la ramène. Wow, enlever, wow. Je me rôder, wow. Je vais m'élever, nah. Je vais couler, wow. Prends mon temps, passons le temps. Je vais couler, wow. J'suis dans mon coin, j'ai mis mon coin. Je peux rouler, wow. Je remplis ma cup dans le fond du club. Devant la scène, j'ai vu la scène. J'ai pas trop de cash pour pas qu'elle sache. Faut que j'aille la check ailleurs, wow. Excuse-moi, meuf, toc toc. J'ai un peu bu et j'suis fucked up. En vérité, j'sais pas trop quoi dire. J'ai juste envie de t'enlever ton crop top. J'suis pas chelou, j'suis pas douteux. Mais ça dirait de prendre un verre ou deux. J'vois que tu passes une longue nuit. Viens avec moi, tu es l'ennui. On dirait qu'elle me trouve kiffant. J'l'ai pas attrapé en sifflant. Excuse-moi si j'suis maladroit. Mais j'suis pas un ténébro kifflant. Fais voir comment tu twerks. Fais bouger, bouger ton queer. J't'aime bien, ça va de soi. Ah, ah, faut que j'rentre avec toi. Allez vite, rejoins-moi. Le carré vite, wow. Elle hésite, mais elle a dit qu'elle arrive, wow. Tu sais bien que moi, c'est pas la même, non. Ton caramel, je veux brun, faut que je la ramène, wow. M'enlever, wow. Je vais me rôder, wow. Je vais m'élever, non.